la vie de ma mère, une croix sur ce qui me font des manières. Tu perds tes gens quand tu sors ta galère. Regarde nos têtes, on a souffert. Avec tous les blèmes, on a su faire. Je vois toute la Corse depuis les airs. On n'a pas pris l'avion le plus cher. À l'aéroport, je sors par derrière. 4-4 blindés, ça me récupère. Je retrouve les sensations. Mon cœur, c'est un soleil. Bébé, tu es mon fruit de la passion. Tu es pas le même au réveil. Avec les Sancho, sur un temtem, on passe au bar du village. Quand tu sors de la merde, c'est à la mama qu'il faut prendre la villa. Squat ton parfum, je dis c'est Prada. Mélange à l'eau de Meda. Avec la vie, rien que je me bats. J'ai besoin de me faire masser le dos. Je squat ton parfum, je dis c'est Prada. Mélange à l'eau de Meda. Avec la vie, rien que je me bats. J'ai envie de nickel pas haut. T'es pas le même au réveil. Même pas me décevoir. Il voit Jules, il pense à percevoir. Quoi, chaque fois que j'aime bien quelqu'un, on est obligé de se dire au revoir. Faire gaffe à ton entourage. Moi, je suis tellement parano que je me pas confiance à mon voisinage. La société de jardinage. J'ai envie de me faire encore plus rare. Depuis que j'ai pris de l'âge. Depuis que j'ai pris de l'âge. Et si Charles Cross pars avec les dames comme Pablo d'Anarcos. Perds pas ton temps à courir. Même l'argent ça pourrit. Pour ça y'en a qui veulent braquer courir. Ou raqueter des touristes. Je retrouve les sensations. Mon cœur c'est un soleil. Bébé tu es mon fruit de la passion. J'aime bien quand je vois ma nièce, mon neveu. Comme ils grandissent trop vite, c'est trop. J'suis tellement limite sur l'autoroute de la vie que je vois plus personne dans le rétro. De bas, j'suis comme tout le monde. Prends ma rue, prends le bus et le métro.